Vous aimez parler dans le vide, vous ? Personne n'aime ça. Pourtant, vous laissez sûrement plein de personnes le faire. Quand vous streamez avec la lecture automatique, que vous soyez parti prendre une douche ou que vous vous soyez endormi devant votre série, vous perdez le fil et vos acteurs préférés parlent dans le vide. Alors, pour éviter de contrarier tout ce beau monde, désactivez la lecture automatique des vidéos et éteignez votre box et votre écran quand vous quittez la pièce. Vous serez sûr de ne fâcher personne et vous réduirez votre impact sur la planète. La pollution du numérique, on ne la voit pas, mais elle est bien là. Retrouvez tous les gestes pour la réduire sur longuevieauxobjets.gouv.fr.